Leçon 4. Les rigots, les lacroix et les bidules. Les rigots sont de Rennes. Maintenant, ils habitent à Paris. Bernard Rigot est conducteur de TGV. Catherine Rigot est infirmière. Elle travaille dans un hôpital. Monsieur et Madame Lacroix sont les parents de Julie et d'Isabelle. La famille Lacroix est à Paris depuis 4 ans. Patrick Lacroix est inspecteur de police. Marie Lacroix est comptable dans un magasin. Les grands-parents de Julie et d'Isabelle habitent à Fontainebleau, dans une maison avec un jardin. Les Lacroix sont souvent chez les grands-parents. Monsieur et Madame Lacroix aiment la forêt de Fontainebleau. Julie déteste les promenades avec les parents. Elle aime mieux Paris et les copains. Julie et Julien sont dans la chambre de Julie. Ils écoutent un groupe de rock. J'adore les bidules. Moi aussi. Ta cassette est extra. Ahmed, Nathalie et Luc arrivent. Luc est le frère de Nathalie. Ah, vous écoutez les bidules? Super! Julie, tu es à Paris dimanche? Non, à Fontainebleau. Les promenades dans la forêt, je déteste ça. Moi, j'aime bien la forêt. Mais je reste à Paris, comme toujours. Mon père travaille dans l'épicerie. Et vous, Luc et Nathalie, vous restez aussi à Paris? Oui, oui. Nous restons pour l'anniversaire de Luc. Toi et Ahmed, passez à la maison. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Elle est super, ton idée. Alors, j'apporte des CD et des cassettes. Hé, Julie, reste à Paris dimanche. Non, c'est impossible. Nous sommes chez mes grands-parents. Vous fêtez l'anniversaire de Luc et moi, je compte les arbres.